sable te glisse entre les doigts. Quand il ne reste que quelques grains, tu sais que l'heure est sans doute arrivée de te laisser glisser. My, my. Portant en elle des rêves inachevés. Le jour où tu ne rêves plus, tu sais que l'avenir ressemblera au passé. My, oh my. Dans ton sommeil, peut-être que c'est toi qui n'es plus le même. Peut-être que ton rêve t'a laissé tomber. My, oh my. Que reste-t-il de tous ces mots que nous avons tant aimés? Ce n'est des souvenirs et parfois de regrets. Bonne soirée à tous et à toutes, tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, bien entendu. Si vous m'écoutez, c'est qu'effectivement, vous êtes calés sur le 96.2 MHz. Le vendredi soir, à partir de 19h, vous avez l'habitude, c'est l'émission que vous vouliez écouter à la radio. Et nous, on l'a fait pour vous sur Radio Arc-en-Ciel. Donc, ce soir, c'est l'émission Mavrika, hein, Mavrika, l'édition numéro 648. Et au retour de vacances, comme ça, on va reprendre une émission tranquille où on va diffuser le maximum de musique. Et on a déjà bien commencé. français. Depuis le début de cette émission, on a écouté des artistes de la région orléanaise, des artistes qui sont un peu plus dispersés dans la France. Hein. On a commencé par Jimmy Sugar avec Au revoir Johnny, donc un hommage à Johnny Hallyday, bien entendu, parce que Jimmy est une des plus grandes fans nationales de Johnny Hallyday, on va dire ça comme ça. En tout cas, c'est une très belle chanson écrite avec notre ami David McLean qui était avec nous à la dernière émission, hein, dans l'émission numéro 647. Juste après, on a écouté un morceau tout chaud. Il est arrivé hier ou avant-hier, je ne me souviens plus exactement. C'est le groupe Recto Verso qui était venu il y a quelques temps dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour nous présenter son travail. Et voilà, il nous avait fait un petit jingle, donc j'en ai profité pour envoyer le petit jingle. Et juste derrière, c'était un morceau qui s'appelle Don't Be Afraid. Et c'est vraiment tout chaud, hein. Ça vient de sortir. Hein. Je suis le premier à le diffuser au niveau mondial et j'espère que les autres vont se battre pour le diffuser dans les autres radios. Hein. Voilà, tout le monde nous envie. En attendant, pour l'instant, c'est sur Radio Arc-en-Ciel que vous l'écoutez dans l'émission Mavrica. On a continué avec un projet de la région parisienne. J'aimerais bien qu'il vienne un jour dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. D'ailleurs, ça serait fort possible puisque un des membres est déjà venu il y a pas mal d'années dans les studios, hein, dans l'émission Mavrica. Ça fait bien une bonne dizaine d'années. On aimerait bien qu'il revienne à nouveau. C'est le projet L'Insight. Voilà, j'espère que je le prononce bien. Et c'était Défaite écrasante, un morceau que j'aime bien. C'est vrai qu'il est super agréable à écouter. Et on m'a déjà dit du bien. Même, je me souviens, la dernière fois, notre ami David McLean m'a dit « T'es bien ce morceau-là ?» Bah oui, il est bien. On passe que des morceaux bien dans l'émission d'Amérique en même temps. On a continué avec vous vous souvenez de quelqu'un qui chantait Dormir dehors il y a quelques années. Ça fait déjà pas mal d'années. C'était dans les années 80, 90, je me souviens plus exactement. Et c'était Daran. Et Daran, il sera en concert très bientôt dans la région orléanaise. Donc je vous invite à aller le voir. Ça sera le 13 novembre. Il sera au Bouillon, donc au campus universitaire d'Orléans, tout simplement, à la source. Et le morceau qu'on a écouté s'appelle Ton image partout. Et là, à l'instant, on a écouté quelqu'un qui aime regarder les filles sur la plage. C'est monsieur Patrick Coutin avec un morceau qui s'appelle My Oh My. On est ensemble jusqu'à 22h. On a plein de bonne musique à diffuser, hein, des morceaux que vous écouterez nulle part ailleurs pour l'instant, hein, pour l'instant, parce qu'après, et vous le savez, c'est ici qu'on découvre les artistes et plus tard, ça sera des stars. Et après, ça sera, ils se souviendront peut-être qu'un jour, ils avaient commencé à être diffusés sur Radio Arc-en-Ciel dans l'émission Mavrica. Voilà, on est ensemble jusqu'à 22h. Que de la bonne musique. C'est parti. Était dans nos studios il y a quelques semaines. Il s'agit du groupe Hardway. Voilà, une superbe découverte. Franchement, ils font des reprises. Vous avez qu'à écouter juste après le morceau. C'est une reprise d'un groupe qui s'appelle, c'est pas Led Zeppelin, c'est Deep Purple. Voilà, souvent les gens se trompent. Deep Purple avec un titre voilà qui est simplement un standard de la musique rock classique. Le morceau Highway Star. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel et on écoute tout de suite le groupe Highway. quel morceau le groupe BRS sur Radio Arc-en-Ciel. BRS qui était venu cette année dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, une superbe découverte. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pourrez aller le voir en concert lors du prochain Mariga Live. Ça sera le samedi 25 octobre. Donc il y aura le groupe BRS. Et vous avez vu le morceau qui nous sort avec des superbes musiciens, une superbe voix. Il y a tout ce qu'il faut pour passer d'un bon moment donc au prochain Mariga Live. Juste avant, encore un superbe groupe, un groupe que j'aimerais bien faire jouer aussi au prochain Mavericka Live, mais parmi les guitaristes de ce groupe là il y a notre technicien, donc ça sera un peu compliqué, mais il y a toujours moyen de s'arranger, vous inquiétez pas. En tout cas, le morceau qui s'avait interprété, c'était Highway Star. À l'instant, c'était Run To You interprété par BRS. Et tout à l'heure, je vous ai parlé aussi d'un artiste qui allait passer, donc c'est Daran qui va passer à Orléans. Ça sera au Bouillon, au campus universitaire. Ça sera le 13 novembre, si je me trompe pas, je regarde mes fiches, parce que des fois, oui, 13 novembre, c'est exactement ça, c'est un jeudi, hein. Donc ça sera la veille, et le lendemain, on en parlera ici dans l'émission, il n'y a pas de souci. Et en première partie, je viens de le découvrir, parce que je fouille un petit peu sur Internet, hein, on est là aussi pour découvrir des choses et vous les faire partager. Il y aura en première partie un artiste que j'ai déjà eu l'occasion de voir plusieurs fois. C'est un musicien, mais je dirais même un magicien, parce qu'il fait tout lui-même. Il s'appelle Jekyll Wood, et on va écouter un morceau qui s'appelle The Doll. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavericka, on est ensemble jusqu'à 22h. wisdom on your mind by the time. Nous avons écouté BRS Band avec Run to You, Jackie Wood avec The Doll. Et voilà un monsieur qui joue encore la poupée. Mais il faut dire aussi sur scène, si vous avez eu l'occasion de le voir, il est tout seul sur scène. C'est lui qui fait tous les instruments. Et en plus, il y a aussi des mannequins qui sont là un peu pour meubler avec des jeux de lumière et tout ça. Juste après, c'était The Margies Dream Pop Orchestra avec De Plus en Plus Fort. C'est le titre, hein, c'est pas. Ils sont de plus en plus forts aussi, hein, ils travaillent beaucoup. Et le morceau qu'on vient d'écouter, c'est un groupe que j'ai eu l'occasion de voir il y a pas très longtemps en concert. Ça, c'est le groupe Lizard avec Blue Moon. Voilà, un très bon groupe et on va continuer avec la bonne musique. Un autre groupe aussi que j'ai eu l'occasion de voir en concert déjà à plusieurs reprises. Ils sont déjà venus dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Ils ont sorti déjà plusieurs albums et ils vont en sortir un prochainement, mais ils prennent beaucoup de temps pour le faire. Donc ils m'ont dit t'inquiète pas, on viendra dans ton émission pour le présenter. En attendant, bah, on va écouter un morceau de leur dernier EP, hein. Il y a 4 titres dans cet EP, dont celui que je vais vous passer qui s'appelle The Burden, et le groupe s'appelle Esprit d'Escalier, un groupe orléanais. Voilà, très bientôt dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour leur prochain album. En attendant, on va écouter ce superbe morceau. le chemin qu'on croyait éternel. Amen. Dis l'amour c'est bleu, dis figé. Les caresses rouges fragiles. Le soleil de la vie les tabasse. Et alors. Welcome to French Toast on WMBR FM. Today, we're proud to bring you an artist who's come specially from France. She's been a rock and roll icon to a whole generation of rockers. I've named the great, the famous, the incomparable Yvette Horner. Yvette, elle aime le rock. Rock, rock, rock. Elle aime le rock and roll. Le rock and roll. Yvette, elle aime le rock. Rock, rock, rock. Elle aime le rock and roll. Le rock and roll. Yvette, elle aime le rock. La crise est passée par là. La perte du triple A, ça rapporte que dalle. T'allais cacher au bal. La mise était finie. Elle doit changer de vie. Madame, on n'a pas le choix. Sandy à Pôle emploi. Prenez votre perfecto. Yvette, elle aime le rock. Rock, rock, rock. Elle aime le rock and roll. Le rock and roll. Yvette, elle aime le rock. Rock, rock, rock. Elle aime le rock and roll. Le rock and roll. Yvette, elle aime le rock. Elle aime le rock and roll. Woo, yeah. Oh, baby, you know. Elle aime le rock. Rock, rock, rock. Elle aime le rock and roll. Elle a pris la liberté dans 80 balais. Ooh, yeah. Ils vont pas m'enterrer. Non, non, non, non. Avec mon vieux soufflé, je vais me convertir. Elle met les cheveux rouges en crêpe et a le diable au cœur. Elle boit un bon cognac, gna gna gna gna, pour que les temps dépendent. Fini la musette, elle aime le rock and roll. Yvette, elle aime le rock. Yeah, yeah, yeah. Elle aime le walk, walk, walk. Yvette, elle aime le rock. Yvette, elle aime le rock, ce sont les vengeurs démasqués. Yvette is a rock and roll star. Voilà, c'est exactement ça le titre de ce morceau-là. Donc ça fait vraiment plaisir d'écouter un petit morceau de rock, comme ils le disent très bien. On va continuer avec la tournée du Baron, avec Prendre la mer. Et tout à l'heure, on a écouté aussi notre ami Tonio, qui est venu à plusieurs reprises. Ça fait longtemps aussi, hein. C'est quelqu'un que j'aimerais bien retrouver dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Tonio, qui nous reprenait une chanson de voilà, ça va pas me revenir, d'Alain Souchon, tout simplement. C'était L'amour à la machine. Voilà, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika, et tous les meilleurs artistes de la région viennent dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour faire découvrir leur travail. Et c'était le cas des la tournée du Baron avec Prendre la mer. J'ai pris le large un matin de printemps, avec aucun bagage, laissant femmes et enfants. Je voulais faire une pause avec mes routines, voir enfin autre chose qu'un quotidien qui mine. Et les yeux dans les yeux, face à Poséidon, je lui ai dit, mon vieux, ton truc c'est du bidon. Je vais dans tes vagues, tes courants et tes vents, j'hésiterai à la drague, les sirènes et leurs chants. Et debout sur le pont de ce fameux bateau, carré à l'horizon et le vent dans le dos. Alors en m'adressant à ce bel océan, je lui déclare tout fort, je suis le maître à bord. ma lune, rentre chez toi, il y a des larmes peintes à l'œil. Le bistrot sera fermé, puis tu gonfles à ton lait. Toi et John et quand tu veux, ça pouvait pas chialer. Je pensais même te souffrir, ça pouvait pas t'arriver. J'oubliais tes tatouages et ta lame des couteaux. C'est surtout un plein d'air pour ton cœur d'artichaut. Elle n'est comme pas ma lune, m'a pas taillé des graines. Une gonzesse de perdu, c'est des copains qui en fait. On était tous vaqués quand toi t'étais tout seul. Tu disais je me fais chier, j'irais sauver ma gueule. T'as croisé cette nana qui était faite pour personne. T'as dit elle est pour moi, ou alors Carmen. T'as été un peu vite pour tatouer son prénom à l'endroit où palpite ton grand cœur de grand con. Elle est conne pas Manu, c'est à moi qui fais de la peine. Une gonzesse de perdu, c'est des copains qui reviennent. Surtout pas en couple, ou alors pas longtemps. Nous autres, ça fait un bail qu'on a largué nos petites. Peut-être toujours en rade avec la tienne et du flic. Et Manu, vivre libre, c'est souvent vivre seul. Ça fait tellement mal au bide, mais c'est bon pour la gueule. Elle déconne pas Manu, ça sert à rien à la haine. Une gonzesse de perdu, c'est les copains qui reviennent. Elle est plus amoureuse, Manu, quand tu t'arraches. Elle veut pas être heureuse dans les bras d'un apache. Quand tu lui dis je t'aime, si elle te demande du feu, si elle a la migraine, dès qu'elle est dans ton flou, limité, désolé, t'as dû le courir trop tard. Quand tu l'as rencontré, t'as dû tromper l'histoire. Mais déconne pas, Manu, va pas te tailler les veines, qu'on s'est perdu. C'est des copains qui reviennent, elle n'écoute pas ma vie, ça sert à rien la haine, une gonzesse de perdu. C'est des copains qui reviennent, elle n'écoute pas ma vie, c'est à moi qui fais de la peine, une gonzesse de perdu. C'est des copains qui reviennent, elle n'écoute pas ma vie, allez, n'écoute pas ma vie, allez. Déconne pas Manu, donc une reprise de Renaud, vous l'avez bien reconnu. Il s'agit de la reprise des Oreilles qui saignent, le groupe Les Oreilles qui saignent qui était venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et je me souviens, on avait passé une très bonne soirée. Donc les copains, si vous avez envie de revenir dans les studios, n'hésitez surtout pas à me recontacter. En tout cas, dans l'émission Mavrika, on aime bien recevoir des artistes. Et c'est vraiment, on doit être la seule émission au monde à faire ce genre d'émission dans laquelle les artistes peuvent parler, hein, très librement pendant 3 heures et en plus interpréter des morceaux en direct live. Et c'était le cas justement pour Les Oreilles qui saignent. Très bon souvenir. Allez voir les photos hein, sur le Facebook de l'émission Mavrika. Vous allez sur photos, vous allez sur album et vous avez un album pour chaque émission de Mavrika avec tous les artistes qui sont passés. Et il y en a encore plein qui doivent venir dans les studios. Je commence à regarder pour justement programmer tout ça très bientôt. Il y en a déjà jusqu'au mois de octobre. Ça va venir très vite. Donc pour l'instant, je suis tout seul dans l'émission, je suis tout seul dans le studio et puis j'en profite pour passer de la très bonne musique, la musique qui me fait plaisir à moi et j'espère qu'elle vous fait plaisir à vous aussi. On va continuer avec un groupe qui est déjà venu ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, un groupe de la région parisienne et qui a participé aussi à un Mavrika Live. Le groupe s'appelle Le Soupul, donc c'est du rock engagé en français et on va écouter un morceau tout de suite qui s'appelle On finira seul. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika et on écoute Le Soupul. Sur la même galère, on se serrait les coudes, on était solidaires et prêts à en découvrir. On avait 12, 20 ans, la bêtise comme fardeau. Qu'est-ce qu'on était chiant à se croire plus fort et plus beau. intouchable, le tueur, ce faiseur de viranger d'uniformité. 10 ans plus tard, on est moitié moins, beaucoup moins d'espoir et bien plus de faim. On sent déjà bien que la vie nous sépare. 10 ans, c'est rien, mais il est trop tard. D'un malin plaisir, tu m'arraches le cœur. De justesse, la mort a raté son but. J'ai senti la peau me raser la nuque. On finira seul. On finira seul. On finira seul. On finira l'heure de mon voyage létal, direction Cap-Blanc, sécurité totale. Regardant fixement la ronde mesurée, sous balai en rendant précis et chiffré. J'attends impatiemment l'issue du spectacle, fatal positionnement, miracle. On finira seul, on finira seul. danger. Pendant toutes ces années de folie collective et d'autodestruction, je pense avoir vu tout ce qu'un homme peut voir. Des populations jetées sur les routes, des enfants jetés dans la guerre, des vainqueurs et des vaincus finalement réconciliés dans des cimetières, que leur importance a élevé au rang de curiosité touristique. Colère à Dieu sur le désespoir, près de lumière plongeant dans le noir. La victime d'une croyance aveuglée, fille à ton rêve de princesse oubliée. Les mots, un maximum de musique ce soir dans l'émission Mavrika. C'est l'émission numéro 648 et nous écoutons un maximum de musique. Et comment se priver de ne pas écouter un groupe oh, l'année aussi bon. Alors moi j'ai écouté l'émission de Christophe Electric Shock. C'était mardi, oui voilà. Et justement à ce moment-là il y avait trois Christophe. Hein. Il y avait Christophe Electric Shock, il y avait Christophe du groupe Prisma et il y avait aussi Christophe de Electro Live, le groupe, l'émission qui mixe en direct. Et justement à ce propos-là, l'animateur Christophe a plusieurs reprises en diffusant de la musique de Black Sabbath avait dit un gros mot à plusieurs reprises. Hein. C'est passé comme ça. Et en écoutant Benzine, j'avais un peu envie de le dire aussi. Voilà, je le dirai pas simplement. Le titre c'est Baby It's Okay. Juste avant, c'était le groupe Sonic Lag avec I Can't Stop the Rain. Le groupe sera présent au prochain Mavrika Live, donc le 25 octobre. N'oubliez pas, donc si vous aimez le rock and roll. Et encore avant, c'était Turn Off avec Princesse sous les bombes. Et encore avant, c'était All avec la valse des fous. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika et on va continuer avec de la très bonne musique. On va écouter avec maintenant un morceau, une reprise des Beatles. Des Beatles, tout simplement. Donc ça s'appelle Back in the USSR, et c'est la reprise des Shaking Mets. On écoute ça tout de suite. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 22h. watch history unfold. Keeping score in the safety of home. Feeling so, watching lost souls. Yeah.

Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika, et à l'instant on vient d'écouter la série Slow. C'est pour ça que je suis pas intervenu pendant la série, pour vous laisser danser tranquillement le vendredi soir comme ça, au son de la bonne musique. Les meilleurs artistes sont dans l'émission Mavrika, et on vient d'écouter le groupe Jache avec Rosa. Juste avant c'était un super slow qui tue aussi, le groupe Prisma avec No More Tears. Encore avant c'était le Sound Comets avec Same Wolves. Encore avant, on a écouté The Wilds avec Light My Fire, hein, une reprise du groupe The Doors. Et encore avant, c'était The Uncle Biker, c'est comme ça que ça se dit en anglais, avec Freight Train. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel et c'est l'émission Eureka, et on va continuer avec de la très bonne musique. Un groupe de la région orléanaise qui s'appelle Twister, Twister Cover, voilà, tout simplement. Alors, on attend qu'ils reviennent d'ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel dans pas très très longtemps, hein, parce que ce sont des amis, ce sont des gens qui sont déjà venus, et à chaque fois qu'il y a de l'actualité, ils viennent partager un petit peu leur travail ici dans l'émission Mavrika. En attendant, on va écouter un morceau, et vous savez que le temps il est plutôt instable ici sur Orléans, un coup il fait chaud, un coup il pleut, et justement le morceau s'appelle Falling Rain. I'm losing my patience.

ailleurs pour dire adieu. Je suis devenu le chef costumier de ma propre blessure. Il y a de quoi manipuler des aiguilles de haute couture. Ne voyez-vous pas, l'assemblée est morte et vous regarde droit devant. S'incline, le feu propage ses idées orphelines. Adieu, adieu. Une cigarette calée en deux doigts, couché sur la banquette, une odeur de tabac, des idées et des mots, un regard qui s'inquiète, un tas de vieux mégots et une boîte d'allumettes, une cigarette au fort goût de tabac. Monte à la tête et me brûle les doigts. J'ai la porte à la bouche et doucement la tête. Des lèvres je la touche et en silence je guette. Les jolies histoires sur le bord des boulevards, là où les oiseaux s'accoulent dans les caniveaux. Les jolies histoires sur le bord des boulevards. Il y a de la magie, le cigare à l'envers. Une cigarette en silence se consume. Il faut que j'arrête, mais il faut que je fume. Une autre cigarette calée entre mes deux doigts. Et parfois je m'arrête et hume le tabac. Ma tête tourne alors, tandis que lentement je sens le goût très fort. Il s'envole en fumée. Je sens le goût très fort. En silence, je guette. Les jolies histoires sur le bord des boulevards. Là où les oiseaux s'accoudent dans les caniveaux. Les jolies histoires sur le bord des boulevards. La magie de cigare à we'll

j'avais espoir. La vie m'a oublié. Je voulais te revoir sans jamais arrêter. La vie est dure, mais ça comme ça sur Radio Arc-en-Ciel, on écoute de la bonne musique et puis on n'est pas perturbé par la publicité sans arrêt comme dans les autres radios. Voilà, profitez-en en maximum parce que là les meilleurs artistes sont dans l'émission Mavrika le vendredi soir à partir de 19h. On est ensemble jusqu'à 22h et actuellement on écoute Alex Lebaye avec un morceau qui s'appelle La Vie. Juste avant on avait écouté Rascasse avec MD, le groupe Rascasse qui était venu il y a quelques semaines dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, dans le studio mythique de Radio Arc-en-Ciel. C'est vraiment un mythe aujourd'hui, c'est vraiment une référence. Les meilleurs artistes passent dans les studios de Radio Arc-en-Ciel dans l'émission Mavrika. Et encore avant, c'était Doren Lowe qui lui aussi était déjà venu. Hein, un groupe qui se situe entre Bordeaux et Paris, en passant par Orléans bien entendu. Doren Lowe avec un morceau qui s'appelait Le Cigare à l'envers. Et encore avant, on a écouté Ombrage. Ombrage, un groupe que nous avons reçu juste avant que je parte en vacances. Donc le dernier groupe que j'ai reçu, on a passé un bon moment avec eux et puis c'est un groupe qu'on suit déjà depuis pas mal de temps, qui ont énormément de talent. Allez les voir si vous avez l'occasion. Et puis surtout il y a leur dernier album qui est sorti, donc n'hésitez pas à vous le procurer. On a écouté un morceau qui s'appelle Almaria. Encore avant, The Cross Band, un groupe qui a participé au Mavrika Live, le dernier Mavrika Live, hein. Donc c'était la 14e édition. On avait passé un bon moment avec eux et c'est le plus australien des groupes orléanais, donc The Cross Band avec Come For Me. Encore avant, The Gig, un groupe que nous avons reçu, c'était pas cette année, c'était l'année d'avant je crois, The Gig, un très bon groupe qui nous fait du très bon rock avec un morceau qui s'appelle Separate Waves. Voilà, j'espère que j'ai bien dit. En tout cas, vous êtes dans l'émission Mavrika et on va continuer avec un groupe aussi que nous avons eu la chance de recevoir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, qui font de la musique électronique, mais pas de la musique électronique comme on fait aujourd'hui, hein, la musique électronique comme on la faisait dans les années 80, 90, 2000, donc avec les synthétiseurs de l'époque. Ce groupe s'appelle Trans Chacal Express et le morceau qu'on va écouter maintenant s'appelle Trans Sibérienne. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika 96.2 MHz. Vous pouvez aussi nous écouter sur www.radio-arc-en-ciel. Voilà, vous êtes sur Arc-en-ciel et on continue la musique. Sibérien, avec une bande d'écho caucasien, on sifflait des verres de vodka tout en matant les babouchkas. Car à bord du Transsibérien, tu vois, Coco, il n'y a rien. Du Baïkal à Saint-Pétersbourg, en traversant les fleuves amour, on s'envole et à la boca, à l'alcool de rue Tabaga, avec Nadia et Natacha, qui sentaient bon la Zubrovska. Vladivostok, on a refait tout notre stock de champignons et d'antigènes au savin de steppe et de grains, et à bord du Transsibérien, on a traversé la conscience.

nuit si belle qui nous attend. J'aime flirter avec toi et prendre un peu mon temps. J'aime regarder tes mains et sentir ton odeur, m'approcher près de toi, m'enivrer ta douceur. C'est confirmé par de nombreux experts. Le temps passe beaucoup plus vite en écoutant l'émission Mavrica le vendredi soir que partout ailleurs dans le monde. Voilà, c'est comme ça, c'est scientifique. Voilà, en attendant, on passe de la musique très rythmée et puis tout d'un coup, on passe à la musique beaucoup plus cool. On avait écouté Cyclim avec Dream Circle, The Last Magic Doors avec The Wizard, Noital avec Hide Again, Last Riders avec Metal Fans, et après on a calmé un petit peu les décibels avec Max Tivio, Les Mirages de de l'homme, Lustolassi avec Stress, et à l'instant c'était Leio avec Multilove. On continue avec de la musique un peu différente encore, toujours une voix féminine. Il s'agit de Yavanna qui nous interprète un morceau. Là vous pouvez même danser hein, si vous voulez. Hein. Vraiment c'est la musique remixée en plus, c'est la version Connexion. J'espère que j'étais pas le seul à me retrouver, à me lever de ma chaise pour danser un petit peu au rythme de la chanson de Yavanna. Donc, Connexion, on arrive à la fin de cette émission et puis on va pas se quitter sans écouter les deux morceaux qui suivent. Donc, j'ai envie d'écouter aussi le groupe Le Jarry avec un morceau qui s'appelle Tout oublié, qui est tiré de leur dernier EP qui s'appelle Rêve. Et on écoutera aussi la légende Come Intersect avec le morceau Avoir 20 ans. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Marika. C'est bientôt fini, donc je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, de bonnes vacances hein, pour ceux qui veulent en profiter. Et puis aussi une bonne semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'émission numéro 649 de Marika sur Radio Arc-en-Ciel. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Je dis des mots magiques, que le rock and roll soit avec vous. Une vie sans musique serait une erreur. Et everything is gonna be All right. Petit temps. l'essentiel. Les bons plans sortis, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Identificar essas infraestruturas críticas, investimentos que, na opinião de Marcelo Rebelo de Sousa, obrigam.